La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mercredi, troisième épisode de notre série dédiée à Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Cet écrivain qui a commencé à 24 ans à poser les pierres d'un immense édifice de fiction qu'il ne cessera de préciser et de cartographier jusqu'à sa mort, le 2 septembre 1973, à l'âge de 81 ans. Dans cette œuvre sans limite, il traite de la question du pouvoir et de la responsabilité de chacun au sein de la communauté humaine, une réflexion assombrie par les tragédies qu'il a eu à subir dans sa vie personnelle, lui qui fut très jeune orphelin et traumatisé aussi par son expérience dans les tranchées de la Somme. Vincent Ferré nous le disait lundi au cours d'une émission à retrouver en podcast. Depuis mardi, nous avons tenté de retrouver les sources de la vision du monde de Tolkien, qu'elle soit mythologique comme politique. C'était avec Isabelle Pantin. Demain, nous nous pencherons sur la question du genre de la fantasy en nous demandant si Tolkien en est bien, comme on l'a dit souvent, le principal catalyseur, sinon le créateur. Et aujourd'hui ? Bien aujourd'hui, pour parler du Moyen-Âge de Tolkien et surtout de son rapport à la religion et à la spiritualité, nous sommes avec vous, Léo Caruthers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de l'Université de la Sorbonne en études médiévales et anglaises. Vous êtes un grand lecteur de Tolkien que vous lisez d'ailleurs en anglais. Vous n'utilisez pas les traductions françaises que je crois vous dites ne pas connaître tellement. À vrai dire, je suis anglophone de naissance. Voilà. Et en plus, je suis professeur d'anglais. Donc vous n'avez pas d'idée sur la qualité des traductions. Je n'ai pas spécialement envie de lire les traductions. Parce que quand je lis la littérature anglaise, je la lis dans la langue originale. Et je ne suis pas spécialiste de la traduction. Ça, ce serait quelque chose à faire, sans doute, de comparer les traductions avec l'original. Mais ce n'est pas mon métier. Vous ne savez pas si elles ont bonne ou mauvaise réputation, ces traductions au français ? Je préfère que les traducteurs en parlent. Vous préférez vous abstenir. Les francophones d'origine en parlent. Alors, comment vous l'avez découvert, vous, Tolkien ? Par quel livre ? Par quel moyen ? Moi, je l'ai découvert en tant que médiéviste et en tant qu'étudiant, avant même de savoir qu'il était romancier. À Dublin, qui est ma ville de naissance et où j'ai fait mes études universitaires, j'ai étudié la littérature anglaise médiévale et j'ai découvert le nom de Tolkien, qui était professeur d'études médiévales à Oxford. Donc, je connaissais sa réputation en tant que professeur, en tant que chercheur, en tant que médiéviste. Et j'ai utilisé des éditions de textes qu'il avait préparées lui-même, notamment l'édition de Sir Gawain et le Chevalier Vert, qui est un grand romance anglais du XIVe siècle. Est-ce qu'on retrouve le professeur dans l'écrivain, alors, enfin, en tout cas l'universitaire ? On trouve les sources médiévales, c'est certain, mais il ne se comporte pas comme professeur quand il écrit, parce que c'était aussi un raconteur, un narrateur. Et quand il écrit ses romans, il laisse de côté son côté professeur. Sauf peut-être en ce qui concerne les langues. Parce que comme c'était un linguiste, et qu'il était passionné de l'histoire des langues et l'origine des langues, cela a coulé dans sa propre invention des langues elfiques. Alors, vous êtes donc médiéviste, vous avez dirigé notamment un ouvrage collectif sur Tolkien et le Moyen-Âge, c'était en 2007 pour les éditions CNRS. Tolkien était fasciné, vous venez de le dire, par les langues et la littérature ancienne, mais toutes les époques ne l'intéressaient pas au même titre. Par exemple, l'Antiquité le passionnait beaucoup moins que le Moyen-Âge. Pour quelles raisons, selon vous ? Est-ce que c'est parce que le Moyen-Âge a cette aura davantage mystérieuse, un peu moins rationnelle, peut-être un peu plus mystique que d'autres époques de l'histoire ? Non, je pense que c'était linguistique et je pense aussi que c'était quelque chose de très personnel concernant l'origine de sa famille. ça n'a rien à voir avec le mysticisme ni le côté féerique du Moyen-Âge, bien que ça se trouve aussi. Mais il a commencé ses études en lettres classiques, en grec et latin. Et les deux premières années à l'université, il a étudié ce domaine-là. Mais il s'est rendu compte, au fur et à mesure que sa carrière universitaire avançait, durant sa seconde année, qu'il ne voulait pas faire ça, qu'il voulait plutôt se concentrer sur la littérature anglaise ancienne, la littérature nordique, germanique, tout ce qui touchait aux îles britanniques, tout ce qui touchait à l'origine de sa propre culture. Mmh. Évidemment, le grec et le latin touchent à la culture britannique également, mais pas de façon aussi directe. Et c'est ça qu'il a attiré. Il avait envie de creuser les origines de son propre peuple et, je vais dire, de leur langue au pluriel, mais de sa langue en particulier, l'anglais. Mmh. Il était très fier d'être anglais, d'être issu du centre de l'Angleterre. Donc c'est la langue qui l'intéresse dans le Moyen-Âge, mais ça n'est tout de même pas que ça. Les arts aussi médiévaux l'intéressent, la musique, l'architecture, tout ça c'est quand même très présent dans son œuvre. La littérature avant tout. Les arts peut-être parce qu'il aimait dessiner, il aimait peindre. Mmh. Et il prenait son inspiration à droite et à gauche, mais il ne se considérait pas du tout comme un spécialiste de l'art médiéval, et encore moins de la musique. Il aimait la musique, mais comme tout un chacun. Il y a quand même beaucoup de musique dans Le Seigneur des Anneaux. Et la poésie. On chante. Oui, mais nous, on n'entend pas ce qui se chantait. Lui dit que les gens chantaient, que les hobbits chantaient, que les elfes faisaient de la musique, mais on ne l'entend pas. En revanche, ce que nous avons, ce sont les poèmes. Et l'architecture, quand même, la ville de Minas Tirith, elle ressemble bien un petit peu à ces villes du Moyen-Âge, au Mont-Saint-Michel, par exemple, avec son église plantée en haut de ce rocher, avec ses étagements. Vrai que la description de Minas Tirith est très précise. Et chaque fois que je la relis, je suis étonné par ces 7 niveaux, par ces tunnels, par ces passages, par ces pavés blancs. C'est la ville blanche, c'est la ville de pierre. Mmh. C'est vrai que c'est absolument magnifique, mais tout cela, ça sort de son imagination. Alors, il y a un autre écrivain français, celui-là, qui aimait beaucoup le Moyen-Âge, c'est Julien Gracq. Et Julien Gracq a dit que la littérature de Tolkien était une éclatante réussite en termes de souffle romanesque. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de la littérature de Julien Gracq, mais à qui pourrait-on comparer sa littérature à Tolkien? Est-ce que, par exemple, celle de Gracq ou celle de Borges, d'une autre manière, non, dans l'invention des mondes, dans le labyrinthe? On ne peut comparer Tolkien à personne. Il est unique. Il est tout à fait hors du commun, et ça, c'est à cause de son invention d'une mythologie, et c'est quelque chose qui se découvre davantage dans le Silmarillion que dans Le Seigneur des Anneaux. Il est évident que Le Seigneur des Anneaux est le plus célèbre de ses romans, suivi du Hobbit, qui est aussi célèbre, mais un peu moins. Mais dans le Silmarillion, qui était plus ancien, c'était la première chose qu'il avait... Il l'a écrit avant le Hobbit, longtemps mais avant. Ça a été publié après, oui, sa mort. Oui, longtemps avant. Il a commencé ça durant la Première Guerre mondiale. Et là, c'est une mythologie inventée. Les origines du monde, les origines même de l'univers, avec des démiurges qui sont envoyés sur Terre par le Créateur pour former notre Terre et pour la rendre habitable aux êtres intelligents. Il y eut jadis un jour où j'eus l'idée de construire un corps de légende plus ou moins étroitement relié, allant des vastes cosmologies jusqu'aux contes de fées romantiques, les plus larges basées sur les plus proches de la Terre, les plus étroites tirant quelques splendeurs des grandes toiles de fond, et que je pourrais dédier simplement à l'Angleterre, mon pays. Cela devait pouvoir posséder le ton et la qualité que je voulais, une sorte de fraîcheur et de clarté, respirer notre air, cette insaisissable et pure beauté que certains nomment celte. Quelque chose de haut, sans plus rien de grossier, qui convienne à ma terre adulte et longtemps baignée de poésie. Hush-a-bye, my little crumb, the sheep are far from home, the cows are to the far, far field, and won't be back till noon. On vient d'entendre un extrait d'une lettre de Tolkien à Milton Waldman, lu ici par Jacques Frantz. Il y appelle de ses voeux un livre qui serait quelque chose de haut, et on sent bien en effet une certaine hauteur, une certaine transcendance dans l'œuvre de Tolkien. On va essayer tout au long de cette émission de la caractériser avec vous, Léo Carruthers, cette transcendance. Mais d'abord, il faut se poser la question, est-ce que cette transcendance, cette hauteur est d'origine religieuse? C'est un peu la question d'ailleurs que vous posez dans votre livre « Tolkien et la religion » paru aux presses universitaires de Paris-Sorbonne en 2016. Elle est d'origine humaine. Elle est d'origine dans l'âme humaine, telle que Tolkien la percevait et la sentait. Elle est aussi d'origine religieuse dans une mesure, si l'on considère que toutes les mythologies qui essaient d'expliquer les origines du monde sont religieuses. Il était lui-même profondément religieux, profondément catholique depuis sa jeunesse. Mais je pense qu'il faut insister sur le fait qu'il a soigneusement évité de parler de cela dans ses écrits de fiction. Donc vous voulez dire qu'il y a une inspiration religieuse, mais que la religion y est soigneusement dissimulée. Et c'est pour cela que j'ai donné comme sous-titre à mon livre, au titre de mon livre, Tolkien et la religion, comme une lampe invisible. C'est-à-dire qu'il y a une lumière, mais on ne sait pas d'où ça vient. Il y a une présence, mais on ne sait pas ce que c'est. Il y a une transcendance, mais justement, ce n'est pas concret, ce n'est pas concrétisé, ce n'est pas exprimé de façon à ce que l'on puisse identifier des éléments religieux du monde moderne. Parce que s'il faisait ça, il aurait rompu l'illusion d'avoir créé une mythologie. Et aussi parce que les lecteurs ne l'auraient sans doute pas suivi dans une littérature qui serait plus démonstrative, dans une littérature où il s'agirait de faire une apologie de la religion. Là, on est dans totalement autre chose. Comment est-ce qu'on pourrait décrire cette autre chose qui n'est pas exactement de la littérature religieuse, mais qui est de la littérature dans laquelle on ressent une transcendance, Léo Carruthers? C'est la vérité. C'est la différence entre le réel et le vrai. Le réel, c'est le concret, c'est ce que nous touchons, c'est ce que nous voyons. Mais le vrai, c'est au-delà, c'est ce qui est transcendant, justement. C'est ce que l'on ressent dans l'âme humaine, c'est ce qu'on ressent dans l'esprit, mais qu'on ne peut pas toucher et qu'on a du mal à exprimer. Et Tolkien, peut-être même inconsciemment, cherchait à exprimer cela à travers sa fiction, à donner au lecteur l'envie d'aller vers l'au-delà, de toucher à quelque chose qu'on ne peut pas toucher, justement. Quel serait le personnage ou les personnages qui seraient les plus vecteurs de ce que vous dites là, les Rockhouters? Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est certainement le personnage de Gandalf et le personnage de Galadriel qui seraient les plus transcendants. Si on lit le Silmarillion, alors pourquoi Gandalf, dans un autre par monde. Exemple? Mais Gandalf, d'abord, c'est un ange. Gandalf, c'est un envoyé. C'est un ange incarné qui a été envoyé pour venir sur Terre, pour aider les peuples libres à lutter contre le mal incarné. Alors, le mal incarné, c'est Sauron, ou Sauron, ça dépend comment vous le prononcez. Et Sauron est un être de grande puissance maléfique qui correspondrait dans le Seigneur des Anneaux à Lucifer dans le mythe judéo-chrétien. C'est le mal pur, presque. Et Gandalf est envoyé sur Terre pour aider les hommes et les elfes et les nains et les hobbits et les ents, c'est-à-dire les cinq peuples libres, pour se réunir et pour lutter contre ce mal. Jésus-Christ aussi a été envoyé sur Terre dans la religion catholique, dans la religion chrétienne. Oui, on peut donc considérer que Gandalf est en partie une figure christique. Il a un peu la même mission, seulement un peu. Il y a certainement des éléments de comparaison, parce que Gandalf meurt dans la poursuite de sa mission, et il est ressuscité. En cela, il y a une comparaison à faire avec Jésus-Christ, qui meurt et qui est ressuscité. Est-ce que Tolkien lui-même s'est exprimé, par exemple, sur le personnage de Gandalf dans son rapport à la religiosité ? Non, pas dans ces termes-là. Pas dans ce que je viens de dire. Ce sont nous, les critiques, qui voient ce genre de rapport. Mais il ne l'a jamais dit lui-même. Et les hobbits, alors, comment se situent-ils dans cette vision religieuse de l'œuvre de Tolkien ? Les hobbits, ce sont nous-mêmes. C'est-à-dire, dans la vie de Tolkien, les Anglais de 1900. Les Anglais de sa jeunesse. Il a grandi à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, dans les années 1890. Et c'est en 1900 qu'il s'est converti. Il n'avait que 8 ans à l'époque. Et les gens de la campagne qu'il rencontrait dans sa jeunesse sont à l'origine des hobbits. C'est pour ça que je dis que ce sont nous-mêmes il y a 100 ans ou plus. Les hobbits sont bien entendu vraiment conçus comme une branche du peuple spécifiquement humain. Ce ne sont ni des elfes, ni des nains. Par conséquent, les deux espèces peuvent vivre ensemble et sont simplement dénommés les grandes gens et les petites gens. Ils sont totalement dépourvus de pouvoirs non humains, mais ils sont présentés comme étant davantage en contact avec la nature, le sol, les autres êtres vivants, les plantes, les animaux, et inhabituellement pour des humains, dénués d'ambition ou de cupidité. Leur petitesse, un peu plus de la moitié de la taille humaine, mais ils rétrécissent au fil des ans, s'explique en partie par la volonté de démontrer la médiocrité de l'homme, du pur esprit de clocher, exempt d'imagination. Et surtout de mettre en évidence chez des créatures dotées d'un très faible pouvoir physique, l'héroïsme étonnant et inattendu des hommes ordinaires, quand il le faut. Lecture d'une lettre à Milton Waldman par Jérôme Kircher. Alors les hobbits, bien, c'est nous, hein, vous venez de le dire, mais c'est une version de nous non cupide, non agressive, bon, avec des grands pieds poilus aussi, et ce sont presque des petits saints finalement ces hobbits. Et non intéressés par le pouvoir. Voilà. Et c'est ça qui les distingue. Et c'est ça qui fait que les deux hobbits, Frodo et Sam, sont choisis pour détruire le symbole de ce mal, de cette puissance maléfique. Parce que, contrairement aux grands hommes et contrairement à certains des elfes ou aux nains, ils ne cherchent pas à s'accaparer de l'anneau. Ils ne cherchent pas à l'utiliser, ni pour le mal, ni même pour le bien. Rappelez-vous que Boromir, dans le roman, est un homme et il pense, il s'imagine que s'il pouvait obtenir l'anneau, il ne ferait que du bien autour de lui. Galadriel pense la même chose, mais elle résiste parce qu'elle sait que même si elle commençait par faire du bien avec l'anneau, elle finirait par faire du mal. Et les hobbits ne sont même pas attirés par ce type de domination, ce type de pouvoir. Mais Gollum est quand même un hobbit au départ, non ? Au départ, il a fini par... Donc il est attiré, lui, par le pouvoir de l'anneau. Il était attiré. il n'était pas un hobbit comme les autres. C'est une sorte de membre d'une tribu qui est un peu éloigné, qui est une forme, ce n'est pas très bien expliqué, mais ce n'est pas tout à fait un hobbit comme les hobbits du comté. Oui. Alors, est-ce une allégorie, être un hobbit, et en généralisant un petit peu, peut-on dire que Tolkien a écrit une fresque allégorique? Je crois que lui-même s'en défendait, Leo Carruthers. C'est vrai, il n'aimait pas trop, il disait tout le temps qu'il n'aimait pas l'allégorie comme genre, comme méthode, et qu'il ne cherchait pas à allégoriser quoi que ce soit. Il décrivait une... On peut dire que c'est une représentation de la vie humaine, et de la spiritualité humaine, et même de la destinée humaine, mais ce n'est pas fait sur la mode allégorique. Mmh. Ce n'est pas il n'y a pas de symbole. Rien ne symbolise autre chose. Il ne dit que ce qu'il veut vraiment dire. Exactement. C'est au premier degré. Mmh. Et c'est ça qui rend sans doute son récit plus agréable à lire, parce que ce n'est pas comme si l'écrivain souhaitait nous dire ce qu'il fallait penser de son texte. C'est presque trop simple. Et c'est pour ça que certains critiques modernes trouvent que c'est un peu naïf, parce que c'est au premier degré. Mmh. Alors revenons un petit peu sur la biographie de Tolkien lui-même, pour essayer d'en retrouver les sources religieuses et catholiques. Alors il y a son nom déjà, J.R.R. Tolkien, c'est John Ronald Ruel, c'est comme ça qu'on prononce en anglais. Oui. Ruel, c'est précisément un nom d'origine biblique, Leo Carruthers. Mais c'est aussi un nom dans la famille. Son père s'appelait déjà Arthur Ruel Tolkien. Mmh. Mmh. Rule, dans la Bible, c'est le nom du beau-père de Moïse. Et c'est un nom qui était de tradition dans la famille. Et qui signifie tout de même ami ou intime de Dieu. Intime de Dieu. Mmh. Oui, mais c'est pas Tolkien lui-même, c'est pas notre auteur qui l'a choisi. Non, mais il est héritier de ça quand même. Et par contre, il l'a choisi pour son fils, je crois. Comme il l'aimait et qu'il voulait aussi rendre respect à ses propres parents, il a donné ce prénom à ses quatre enfants, y compris à sa fille. D'accord. Ses trois fils et sa fille portent le prénom Ruel. Mmh. Alors, il y a aussi le fait que sa mère, on l'a vu lundi dernier, était extrêmement pratiquante, et que même, on peut considérer qu'à la mort de son mari, elle s'est complètement, totalement investie finalement dans la religion. Donc il y a cette éducation absolument religieuse pour lui. Elle s'est totalement investie d'abord en ses deux fils, parce qu'il fallait élever ses deux fils avec très peu de moyens. Et au moment de la mort de son mari, elle n'était pas catholique. On ne sait pas grand-chose sur elle, on aimerait mieux la connaître, mais il est vrai que quelques années après, en 1900, elle s'est convertie au catholicisme, et elle est devenue très, très croyante, très pratiquante. C'est devenue une sainte aussi, qui s'est totalement donnée pour ses enfants. On peut le dire, on peut le dire. Ça n'a pas duré très, très longtemps, parce que malheureusement, cette pauvre femme, elle est morte 4 ans plus tard, en 1904, elle n'avait que 34 ans. Elle serait peut-être devenue une sainte. Mmh. En tout cas, elle a communiqué à ses enfants, à ses deux fils, l'amour de l'Église catholique, l'amour de Dieu. On ne sait pas ce que Tolkien serait devenu sans cela. Et puis l'amour de la liturgie aussi, et notamment de la liturgie en latin, qui était très importante pour Tolkien. Oui, mais ça, c'est le cas de tous les catholiques du XXe siècle jusqu'à 1960. Mais lui n'a pas tellement supporté Vatican II, je crois. 1965. Il continuait de réciter la messe en latin tout seul dans l'église, même après Vatican II, je ne me trompe pas, non? Oui, c'est certain. Il y a aussi les groupes auxquels il appartenait, les Inklings notamment, qui étaient... très théologisant, enfin, on parlait beaucoup dans ces groupes-là, notamment avec C.S. Lewis, Mayalen Berasategui nous en parlera dans la chronique, on parlait beaucoup religion, donc il y avait quand même tout cet environnement extrêmement présent. Oui, les Inklings, c'était des hommes, des professeurs et leurs amis à Oxford qui aimaient se rencontrer, qui aimaient discuter, qui aimaient parfois discuter fort, j'allais dire, presque se battre au sujet des points théologiques, de littérature, de poésie. Mmh. Bon, bah, écoutez, je vous propose justement de creuser dès à présent cette question avec la chronique de Mayalen Berasategui, voici en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Mayalen Berasategui du Nouveau Magazine Littéraire, bonjour à vous. Bonjour. Vous nous proposez donc de redécouvrir une œuvre d'un grand ami de Tolkien, on l'a dit, C.S. Lewis. Il s'agit du Monde de Narnia, devenu un classique de la littérature jeunesse. Absolument. Alors en fait, C.S. Lewis en France, on le connaît surtout comme auteur du Monde de Narnia, mais c'est surtout un homme qui était athée quand il était plus jeune, et notamment au contact de Tolkien, il s'est converti au christianisme. Alors lui, il était anglican et pas catholique. Et c'était un grand amateur d'apologétique. Donc une de ses questions, c'était comment on fait pour sensibiliser les gens au christianisme. Et donc quand il écrit et qu'il publie les 7 volumes du Monde de Narnia au cours des années 50, son histoire prend corps à partir du moment où il se rend compte qu'il veut rendre la foi chrétienne accessible aux enfants pour qu'ils puissent y adhérer plus facilement une fois qu'ils auront les détails théologiques de l'affaire. Donc c'est un peu le projet contraire de Tolkien, si on comprend ce qui a été dit en première partie par Leo Carruthers. Disons que c'est beaucoup plus visible quand on connaît un peu le christianisme en lisant Narnia, même si à première vue on pourrait penser que ça n'a rien à voir. Narnia, au départ, c'est 4 frères et sœurs qui sont envoyés à la campagne pendant la Deuxième Guerre mondiale pour fuir les bombardements, et la dernière fille va dans une armoire, elle va se cacher, et en fait dans l'armoire il y a un passage vers le monde de Narnia, qui est un monde où il fait extrêmement froid parce qu'il y a une sorcière qui dirige tout, et on a tous les ingrédients de l'univers fantastique, tous les ingrédients de l'épopée, la lutte du bien contre le mal, 4 enfants très très différents avec des pouvoirs très très différents, et un dieu qui est très chrétien mais aussi très poilu parce que c'est un lion qui s'appelle Aslan. Mmh. Alors comment est-ce qu'on transforme une telle épopée en récit chrétien, Mayalen ? C'est les thèmes qui font que ça marche. Dans Le lion, la sorcière et l'armoire magique, qui est le premier volume de Narnia, on parle de rédemption. Il y a un sujet qui revient tout au long de la série, c'est la question de la rédemption, la miséricorde et aussi le jugement dernier, la mort, ressuscité ou pas. Il y a un des enfants qui va être corrompu par la sorcière, qui va l'acheter à coup de loukoum. Et donc il va essayer de vendre ses frères en fait à la sorcière. Et donc sa trahison va être rachetée par Aslan. Et Aslan en fait se laisse humilier, se laisse mettre à mort. Et Aslan ressuscite. On ne sait pas comment, mais Aslan ressuscite. Il y a un récit des origines de Narnia. Il y a un récit de l'apocalypse de Narnia. Il y a un récit du jugement dernier à Narnia. Mais même si c'est absolument chrétien, c'est pas exclusivement biblique. C'est une série qui utilise aussi énormément le monde de la chevalerie, le monde de la mythologie nordique, même le Père Noël dans Narnia. Comme Tolkien, hein ? Oui, mais c'est plus... Tolkien, il va essayer de créer son univers avec ses langues, son propre fonctionnement interne qui est extrêmement cohérent. Et surtout, Tolkien, il crée pas de monde qui serait notre monde et puis on basculerait vers un autre monde. Chez Lewis, il y a toujours ce rapport au réel. Et il y a même cette idée que finalement, quand on grandit trop, on peut plus accéder à Narnia. Et de ce point de vue du rapport entre le réel et le monde imaginaire, c'est quand même plutôt l'ancêtre d'Harry Potter qu'un équivalent de plus pour enfants de Tolkien. Alors vous dites que Lewis est un précurseur. Comment est-ce que les écrivains d'aujourd'hui s'accommodent justement de l'aspect religieux de cet héritage ? Pas très bien, pas très bien. En fait, en termes de réputation, C.S. Lewis en Angleterre, c'est un peu l'équivalent de la comtesse de Ségur. C'est le réac que tout le monde a lu, qu'on adore détester parce qu'on a l'impression, si on a vraiment aimé, qu'on a été un peu piégé quelque part. Donc tout le monde a un peu tendance à dire que oui, c'est super bien, mais quand même. J.K. Rowling dit que c'est quand même très sexiste cette affaire. Philip Pullman, quand il a écrit Les Royaumes du Nord, d'une certaine manière, c'était un anti-Narnia, parce que dans Les Royaumes du Nord, il y a cette idée que l'organisation religieuse, ça peut être quelque chose de très dangereux. Le vieux qui commande, qui d'habitude, dans tout un tas de récits mythologiques, est un allié, ou en tout cas un conseiller, et là ça devient l'ennemi. Pullman a qualifié Lewis d'auteur le plus dangereux de Grande-Bretagne. Et quelque chose qui est important, Pullman ne l'a pas lu enfant. Il l'a lu quand il était déjà enseignant. Et je pense que ça a un impact sur la façon dont il le considère. Et finalement, quand on regarde Harry Potter, c'est aussi une saga avec un héros christique qui meurt, mais pas tout à fait, et qui revient quand même, et qui se sacrifie. Donc, reste à savoir, à mon sens, comment cet aspect-là d'Harry Potter résistera au passage du temps et ce qu'on en dira dans 50 ans. Léo Carutter, c'est un commentaire sur la chronique de Maya-Hélène de Rassategui. Alors, je dois d'abord je la remercie. Et j'ajoute que moi aussi, j'ai tout lu à l'âge adulte. J'ai découvert les romans de Tolkien quand j'étais adulte, j'ai lu Le Monde de Narnia quand j'étais adulte, j'ai lu Philip Pullman quand j'étais adulte, j'ai lu Harry Potter aussi quand j'étais adulte. Mais bon, je lisais autre chose quand j'étais petit. Mais ces auteurs-là, je les ai tous découverts, parce que je vous disais tout à l'heure que j'ai connu Tolkien d'abord en tant que médiéviste, mais c'est à partir de l'âge de 20 ans, quand j'étais étudiant, que j'ai découvert qu'il était aussi romancier et que j'ai commencé à lire Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Mais alors sur cette idée que C.S. Lewis fait quand même un petit peu le contraire de Tolkien, en ce sens que lui, il veut que ça se voit finalement, que ça se voit davantage, que c'est un auteur chrétien. Lewis est quand même un polémiciste. Il aimait bien faire ce qu'on appelle la théologie populaire. Il faisait des émissions à la radio durant la guerre, durant laquelle il parlait de Dieu, il parlait de la prière, il parlait des sacrements. Alors, Tolkien, d'abord, il n'aurait jamais fait ça. À la limite, il désapprouvait la réputation qu'avait son ami d'être théologien populaire, parce qu'il considérait qu'il n'était pas vraiment formé en tant que théologien. C'était juste un chrétien ordinaire qui parlait à la radio. Tolkien n'aurait pu le faire, mais ça l'intéressait pas de faire ce genre de choses. Allez, on va continuer d'évoquer tout ça dans la compagnie des auteurs. On ouvre cette seconde partie avec un nouvel extrait du Seigneur des Anneaux. L'anneau était chaud quand je le saisis, chaud comme braise, et ma main fut brûlée de telle sorte que je doute de jamais être débarrassé de la douleur. Mais au moment où j'écris, il est refroidi, et il paraît se rétrécir, sans pourtant perdre sa beauté ni sa forme. Déjà, l'inscription qu'il portait, et qui au début était aussi claire qu'une flamme rouge, s'estompe et devient à peine lisible. Elle est formée de caractères elfiques des régions, car il n'y a pas en Mordor de lettres convenant à un travail aussi subtil. Mais le langage m'est inconnu. Je pense qu'il s'agit d'une langue du pays noir, car elle est grossière et barbare. Quel mal elle énonce, je l'ignore. Mais j'en trace ici une copie, de peur qu'elle ne disparaisse définitivement. Il manque peut-être à l'anneau la chaleur de la main de Sauron, qui était noire tout en brûlant comme du feu. Et ainsi Gil-galad fut détruit. Et peut-être, si l'or était de nouveau réchauffé, l'écriture serait-elle ravivée. Mais pour ma part, je ne risquerai pas d'endommager cet objet. De toutes les œuvres de Sauron, la seule belle. Il m'est précieux, bien que je le paie d'une grande souffrance. Léo Carruthers, que retenez-vous de ce qu'on vient d'entendre ? L'écriture, la langue de Mordor, la langue qu'il ne faut pas prononcer à haute voix, parce qu'elle est laide, elle est horrible. Tolkien attachait beaucoup d'importance à la musicalité des langues. C'est pour ça qu'il passait beaucoup de temps à créer son elfique, ou plusieurs formes d'elfique, qu'il trouvait l'expression de la beauté et le contraste avec la langue de Mordor qui est laide et affreuse. Et c'est cette langue qui est inscrite sur l'anneau. Alors l'anneau, justement, est-ce qu'il est pour le coup une métaphore du diable aussi? Est-ce qu'il représente quelque chose de l'ordre de, enfin qu'on peut mettre dans le schéma chrétien ou dans le schéma religieux de Tolkien ou pas du tout? C'est une cristallisation du mal. Il faut comprendre que le Seigneur des Anneaux, qui est aussi le Seigneur des Ténèbres, Sauron, s'est mis lui-même dans l'anneau. L'anneau fait partie de lui, et lui fait partie de l'anneau. Et comme il s'est mis dans l'anneau, il ne peut pas s'en retirer. Il ne peut pas retirer ses puissances pour les ramener en lui-même. Mmh. Autrement dit, l'anneau est devenu indissociable de son maître. Et détruire l'un, c'est détruire l'autre. C'est pour ça que quand on détruit l'anneau dans le feu du monde du destin, Sauron s'écroule et sa tour aussi. Mmh. Est-ce que le Seigneur des Anneaux vous semble moins religieux que d'autres textes de Tolkien ou pas? Oui, c'est moins religieux que le Silmarillion, et notamment des premiers textes dans le Silmarillion. Quand je dis le Silmarillion, je veux dire le livre publié par Christopher Tolkien en 1977, qui commence par un récit de la création. Alors, on peut peut-être redire ce que c'est que ce Silmarillion, parce que précisément, il faut s'y arrêter longuement dans le cadre de la thématique qu'on aborde aujourd'hui. Et en plus, c'est pas tellement l'ouvrage le plus connu des lecteurs de Tolkien, bien au contraire. Comment le décrire? D'abord, il faut peut-être dire qu'il se lit moins facilement, il me semble, que le Hobbit, ça c'est sûr, et puis même que le Seigneur des Anneaux. C'est beaucoup plus mythique, c'est beaucoup plus dans le récit des origines, c'est moins romancé. Et le livre de 1977 a plusieurs divisions. Il commence par un récit de la création qui est très clairement d'inspiration biblique, qui ressemble beaucoup au livre de la Genèse, mais pas seulement. Mmh. Et ensuite, il y a un récit de la chute des hommes. Et la troisième partie, c'est le Silmarillion propre, l'histoire des Silmarils, qui sont des bijoux sacrés contenant la lumière avant la création du soleil et de la lune. Alors réfléchissez un instant à ce que ça voudrait dire. Voilà Tolkien, un homme qui a imaginé l'origine du monde avant la création du soleil et avant la création de la lune. Autrement dit, c'est un mythe, c'est un récit des origines. Et le soleil et la lune nous donne de la lumière, mais avant que cette lumière n'existe, il y avait une autre lumière divine. Et celle-là, elle était en partie renfermée dans ces bijoux sacrés qui sont les Silmarils. Mais y a-t-il un Dieu qui crée, comme il y a un Dieu dans la Genèse, y a-t-il un Dieu qui crée le monde de Tolkien? Il y a un créateur. Tolkien n'emploie jamais le mot Dieu. Mais jamais. Mmh. Il y a un créateur, et comme il voudrait éviter d'employer le mot Dieu, ou God en anglais, il invente ses propres mots. Et comme il invente ses langues elfiques, il invente un nom pour ce créateur, qui est Eru Ilúvatar. Mmh. Alors, Eru signifie l'un, ou l'unique, et Ilúvatar signifie père de tout. Alors, si vous pensez que l'un et le père de tout correspond au Dieu dans la mythologie judéo-chrétienne, vous êtes libre d'y penser, mais Tolkien ne le dit jamais. On raconte qu'au commencement, les nains furent créés par Olé pendant la nuit des terres du milieu. Olé désirait si fort la venue des enfants pour avoir des apprentis auxquels il pourrait enseigner son savoir et ses talents qu'il ne voulut pas attendre l'accomplissement des plans d'Ilúvatar. Et il créa les nains tels qu'ils sont encore aujourd'hui, car l'apparence des enfants à venir n'était pas claire à son esprit et la terre était encore au pouvoir de Melkor. Il souhaitait donc qu'ils fussent robustes et résistants. De crainte que les autres Valar ne blâmassent son œuvre, Il travailla en secret, et c'est dans une caverne sous les montagnes des terres du milieu qu'il donna vie aux 7 paires des nains. Ilúvatar apprit ce qui avait été fait, et dès l'instant qu'Olé eut achevé son œuvre et qu'il eut commencé à instruire les nains dans le langage qu'il avait inventé pour eux, Ilúvatar s'adressa à lui. Olé entendit sa voix et resta silencieux. Et la voix d'Ilúvatar lui disait « Pourquoi as-tu fait cela ? Pourquoi tenter de faire ce qui, tu le sais, surpasse ton pouvoir et ton autorité ? Car de moi tu as reçu le don de l'existence, pour toi seul et rien de plus. Par conséquent, les êtres créés de ta main et de ton esprit ne peuvent vivre que de ta seule existence, bouger lorsque tu penses à les faire bouger, rester comme mort lorsque ta pensée est ailleurs. Est-ce là ton désir ? » Une lecture par Loran Travagli Chanal. Je voyais écouter attentivement, très attentivement, même ce texte que vous devez connaître tout de même par cœur. Qu'est-ce que vous entendez encore à la réécoute ? Il y avait une allusion à Olé et aux Valar. Alors, il faut comprendre que les Valar sont les puissances de ce monde. Les Valar sont les démiurges qui ont été envoyés sur Terre par le Créateur, par Ilúvatar, pour former la Terre, pour la rendre habitable. Mais habitable pour qui ou à qui ? Pour les elfes et pour les hommes, qui sont les deux peuples définis par Tolkien comme les enfants d'Ilúvatar. Alors, les quatre Valar les plus puissants sont Aulë, Ulmo, Manwë et Melkor, qui représentent les quatre éléments, terre, eau, air et feu. Ce n'est pas par hasard, parce que ce sont les quatre éléments qui composent notre univers. Et justement, le Créateur interdit à ses émissaires, les Valar, de créer de la vie, mais simplement d'ordonner le monde, d'agir comme architecte, et ce qui est le sens du mot démiurge, et comme jardinier, pour rendre la terre belle et habitable, mais non pas pour créer une nouvelle vie. Aulë, il se trompe parce qu'il voudrait créer une sorte de vie qui lui appartiendrait, et ce sont les nains qu'il forme. Et le Créateur lui pardonne cela en acceptant de donner une vie à ses nains. En revanche, Melkor, l'esprit de feu, lui voudrait dominer le monde entier et contrôler tous les êtres vivants. Et il déteste les elfes et les hommes parce que ce n'est pas des formes de vie de sa propre création. Et c'est pour ça que c'est lui, l'esprit de feu, qui représente aussi le mal incarné. On comprend mieux quand vous l'expliquez comme ça, Léo Carruthers, pourquoi finalement Tolkien a tant souhaité, ce qu'il n'a jamais pu réaliser, qu'on publie en même temps que Le Seigneur des Anneaux, ce Silmarillion, parce que c'est vraiment le socle sur lequel toute l'œuvre est bâtie. Oui, et c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à terminer de manière qui le satisfaisait, le Silmarillion. Mais il ne pouvait pas terminer, parce que précisément, il était d'abord perfectionniste, vraisemblablement, oui. Et puis en plus, on ne peut jamais terminer l'invention totale d'un monde, par définition. C'est vrai, peut-être ce n'aurait pas été possible pour lui de le faire. Son fils lui-même, qui l'a préparé pour l'édition quelques années après la mort de son père, avait l'impression de toucher à quelque chose de sacré. Il cherchait à donner une forme à quelque chose que son père n'avait pas lui-même réussi à former complètement. Ce qu'on entend aussi quand vous nous parlez de ce texte, Léo Carruthers, c'est évidemment que Tolkien, ça n'était pas un catholique ordinaire. C'était un catholique doublé d'une immense culture. Et ça, on le retrouve absolument partout, quasiment dans chacun de ses chapitres ou chacun de ses paragraphes. Il aurait été très gêné d'entendre dire qu'il n'était pas un catholique ordinaire, parce que lui se considérait comme un homme comme n'importe qui, comme un catholique tout à fait ordinaire, comme beaucoup de gens avant le Avant le Concile du Vatican II, il allait à la messe très régulièrement, il pratiquait tous les sacrements, il avait une pratique personnelle de la prière, il avait une vie spirituelle intense, mais lui considérait ça comme des choses tout à fait banales, tout à fait ordinaires. Dans sa pratique, oui, mais dans sa connaissance quand même très intime, à la fois des textes religieux, mais pas seulement, c'est-à-dire que c'est aussi un universitaire, et il double sa connaissance des textes religieux, d'une connaissance, par exemple, de textes très anciens comme le Beowulf, dont on a déjà parlé c'est ici. C'est vrai qu'en tant que médiéviste, il connaissait très bien l'histoire de l'Europe, les origines de la littérature européenne, les langues européennes qui ont voyagé à travers le continent. Il était aussi, en tant que chrétien, intéressé par le développement du christianisme au sein de l'Empire romain et l'arrivée de cette religion dans les îles britanniques à un moment précis de l'histoire. Et puis, en tant que catholique, il est aussi très conscient des effets de la réforme protestante qui avait affecté l'Angleterre, et pas que, au XVIe siècle. Il appartenait à une religion qui était minoritaire en Angleterre au début du XXe siècle, et qui n'était pas toujours très bien vue par la société bourgeoise. Ça a pu changer aussi peut-être sa manière de voir, tout simplement. Il se sentait un peu sur la défense, c'est vrai. Il y a un texte aussi qui est le guide des recluses que vous citez dans votre essai et qui est un texte religieux en moyen anglais auquel Tolkien a consacré beaucoup de temps. De quoi s'agit-il ? Il s'est attaché à ce texte moins pour son contenu, effectivement c'est un guide des recluses, mais pour sa langue. Parce que ce texte qui date des environs de 1200 est rédigé en anglais. Et le texte est si beau qu'il a été traduit en français et en latin, ce qui est le contraire de ce qu'on voit normalement à cette époque. Parce que durant le Moyen-Âge, après la conquête normande, c'est plutôt les textes français et latins qui ont été traduits en anglais. Et il était un peu fasciné par cette langue de 1200 qui émanait du centre du pays, parce qu'il voyait une forme d'anglais assez peu influencée par le latin ni par le français. Une forme de sa langue maternelle. Et il imaginait comment l'anglais aurait pu évoluer du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, si le latin et le français n'avaient pas affecté cette langue. Donc c'est pour ça qu'il était attaché au guide de recluses. Le fait que ce soit religieux et le fait que ce soit un guide pour des recluses est c'est secondaire. Est-ce qu'on peut parler, alors le mot est bien sûr trop fort, mais d'un amour pour la patrie exacerbé chez Tolkien ? Pourquoi exacerbé ? Mais je ne sais pas, parce que, en tous les cas, il souhaite retrouver les racines d'une littérature proprement anglaise. Et donc, ça signifie un lien, un attachement à la terre de l'Angleterre qui est très très fort. Oui, mais pas exacerbé. Il était attaché à sa terre natale, à sa région d'enfance, à la terre de ses parents et de ses ancêtres. Et il était passionné par la langue et la littérature de cette région-là. Mais il ne la défendait pas contre vents et marées. Il ne s'imaginait pas que les Anglais étaient des gens vertueux ou des gens supérieurs aux autres. C'était simplement lui. Compagnie des auteurs sur France Culture. On va continuer avec quelques indices de religiosité, si vous le voulez bien, Léo Carruthers, dans le texte de Tolkien. Par exemple, les grandes fêtes chrétiennes, elles sont présentes ? Oui, elles sont. Et d'une manière plutôt discrètes, mais qui ne trompent pas quand on les voit. La première chose qui m'a frappé dans ce sens, c'est la date de la destruction de l'anneau. Mm-hmm. La plupart des gens n'y pensent absolument pas et n'y attachent aucune importance. Mais quand on lit bien le texte, on découvre que l'anneau tombe dans les crevasses du destin et la tour de Sauron s'écroule et Sauron lui-même, cet esprit de mal, est transformé en nuage noir et disparaît dans le ciel. Tout cela a lieu le 25 mars. 25 mars. Et le 25 mars, dans la tradition catholique, c'est la fête de l'Annonciation. Oui, 9 mois avant Noël. Et c'est aussi le jour où la Vierge Marie dit oui à l'ange Gabriel. Oui, je veux bien être porteuse du Sauveur. Et au moment où la Vierge Marie dit oui, elle tombe enceinte, le 25 mars, et elle donne naissance à Jésus 9 mois plus tard, le 25 Noël. Et quand on lit le texte de Tolkien, on découvre que le 25 décembre à Noël, la compagnie de l'anneau arrive à Foncombe, qui est la maison de Elrond, le grand prince des elfes. Il quitte Foncombe le 25 décembre pour l'étape principale de leur mission. Oui. De détruire l'anneau. Donc c'est quoi? C'est une renaissance? Alors c'est que la destruction de l'anneau, annonce 9 mois plus tard quoi, la renaissance d'une autre civilisation ou... Le 25 mars est plus important que le 25 décembre parce que la destruction du mal annonce une nouvelle vie, un nouveau monde, comme dans l'Église catholique. Le 25 mars annonce l'incarnation du Christ dans le ventre de la Vierge Marie, donc l'arrivée d'un nouveau monde. En même temps, la destruction de l'anneau marque la destruction du mal et donc de Satan, pour dire les choses plus clairement. Même si Tolkien ne le dit pas, mais quand on fait la comparaison, on voit que la naissance du Christ... signifie la défaite de Satan. Alors on a parlé pendant toute cette émission finalement de ce qui rapprochait Tolkien de la religion catholique. Qu'est-ce qui l'en éloigne fondamentalement? Qu'est-ce qui met à distance aussi tous les textes bibliques par exemple dans Le Seigneur des Anneaux? Les textes sont là et l'inspiration est là, j'en suis persuadé, mais il n'y a pas que ça. Et c'est pour ça que je vois aussi beaucoup l'influence de Beowulf et de la littérature médiévale. Je vois aussi d'autres mythologies. Tout à l'heure, on parlait des Valar, qui sont les démiurges. Ça, évidemment, ça n'a strictement rien à voir avec la tradition judéo-chrétienne. Dans la tradition judéo-chrétienne, il n'y a que un créateur qui crée le monde et qui ordonne ce monde. Il n'y a pas question d'envoyer qui que ce soit sur Terre pour être des architectes ou des jardiniers. Donc, on voit chez Tolkien l'influence d'autres mythologies, gréco-latines et nordiques. Est-ce qu'on prie dans Le Seigneur des Anneaux? Il y a un moment, et ça concerne Faramir, qui est le frère de Boromir. Au moment du repas dans la grotte, Faramir invite les hobbits à se tourner vers l'ouest avec lui. Et il déclare que les Gondorians ont l'habitude de se tourner vers l'ouest pour penser à ce qui est non seulement dans l'ouest, mais au-delà. Au-delà. Et ça s'arrête là. On ne comprendra pas très bien ce que ça veut dire. Les hobbits sont un peu perdus, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et Faramir explique quand même un petit peu que autrefois il y avait une île dans l'ouest habitée par les hommes qui leur avait été offerte par le Créateur, mais qu'ils l'ont perdue. Donc c'est le paradis perdu. Merci beaucoup Léo Carruthers d'être venu nous parler aujourd'hui de Tolkien et la religion. Je rappelle que vous avez publié un livre sur le sujet aux éditions Presse Universitaire Paris-Sorbonne en 2016. On peut également lire de vous le livre Tolkien et le Moyen-Âge. C'est un collectif paru aux éditions du CNRS en 2007. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurent Travagli-Chanal, Stéphanie Vélin et Florent Bujon. Demain, dernier moment de notre semaine Tolkien, nous parlerons du genre de la fantasy. Ce sera avec Anne Besson de l'Université d'Artois. Et tout de suite sur France Culture, vous retrouvez Jacques Bonafé, la poésie. Bonjour Mathieu, bonjour la compagnie. Avec son air très naturel, le surnaturel nous entoure. C'est pas moi qui le dis, c'est Jules Supervielle. Et manger de l'oiseau rend volage. C'est pas moi non plus, c'est Laure Cambeau dans « Ma peau ne protège que vous ». Manger de l'oiseau rend volage, dit-on en Afrique. Et manger de l'oiseau volage. Prêt pour la contagion, soupire une voix de feu en fleurs. Les minutes tombent des arbres avec la neige. Dans le désordre de la forêt, des anges acoustiques se cachent. La brigadière agricole a le dicton facile et la flamme offerte. Mais n'ayez crainte, il n'y a pas d'accoutumance au chant des oiseaux. Comme c'est mystérieux. Ésotérique, oui, et propre à... Laure Cambeau. Cambeau, Laure, qui s'est aventurée ailleurs dans l'étoile du peintre Omer Qureshi à Istanbul. Derviche. Face à mon lit, j'ai un derviche. Tous les matins, il me salue et me regarde. Il me regarde, les yeux fermés. Peut-être pour mieux voir, peut-être pour mieux prier ou mieux rêver face à mon lit. J'ai un derviche, il n'est pas dans son téqué, peut-être envoyé, échappé, évadé, messager, sans nez ni tambour, face à mon derviche, juste mon lit et mes yeux qui tournent et retournent avec les mots, et le derviche face à mon lit n'est pas en noir, vêtu de blanc, il est prêt pour tourner, mais il ne tourne pas, il est prêt pour la transe, mais reste là, sage et tranquille, attendant la cérémonie. Les Betkashi croient en la réincarnation, la multiplicité des formes et la manifestation de Dieu sous forme humaine. Ils ne cultivent pas l'ascétisme, sont de très bons vivants, ayant le goût des choses simples et authentiques, et en fidèles cousins de Mahayam, ils vouent un culte privilégié au vin et au raki. Pour les définir, nous pouvons sans crainte employer le terme de soufisme populaire, caractérisé par un grand esprit de tolérance, un humour et un non-conformisme toujours en éveil. La porte du nez, ça se trouve dans ma peau, ne protège que vous. Le nez n'a pas de porte, ni pas de porte, ni rideau. Les narines n'ont pas de paupières, pas de volets contre la charogne, pas de paupières contre la puanteur millésimée, pas d'occultant contre la décrépitude nauséabonde, juste quelques poils sortis tout noirs du catalogue insolite du grand charlatan, à la page accessoires préhistoriques, à la page animaux très à la page, humains indomptables, humains trop humains, cromagnons à nez creux, pas de seuil, pas de porte. Le nez n'a pas de porte, mais attention, les murs ont des narines, les oreilles c'est pour les voisins et l'amour, démontable par gros temps, même petite et jetable après usage les oreilles, modulable au gré du vent, de la valse des parfums, les oreilles ont du plomb dans l'aile, les ailes ont du plomb dans l'oreille, les oreilles c'est en option pour les voisins et l'amour, mais attention, les murs ont des narines. Merci Jacques Bonafé.